Chapitre 13e. Géant d'acier. Au bruit de cette détonation, Lady Monroe était tombée évanouie dans les bras de son mari. Sans perdre un instant, le colonel s'élança à travers l'esplanade, suivi de Gumi. L'hindou, armé de son large couteau, eut en un instant raison du gardien ahuri que la détonation avait remis sur ses pieds. Puis, tous deux se jetèrent dans les trois sentiers qui conduisaient au chemin de Report. Sir Edward Monroe et Gumi avaient à peine franchi la poterne que la troupe de Nana Sahib, brusquement réveillée, envahissait le plateau. Il y eut là, parmi les hindous, un moment d'hésitation qui pouvait être favorable aux fugitifs. En effet, Nana Sahib passait rarement la nuit entière dans la forteresse. La veille, après avoir fait attacher le colonel Monroe à la bouche du canon, il était allé rejoindre quelques chefs de tribu de Gondwana qu'il ne visitait jamais au grand jour. Mais c'était l'heure à laquelle il rentrait ordinairement, et il ne pouvait tarder à reparaître. Kalagani, Nassim, les hindous, les dacoïtes, plus de 100 hommes, étaient prêts à se lancer à la poursuite du prisonnier. Une pensée les retenait encore. Ce qui s'était passé, ils l'ignoraient absolument. Le cadavre de l'hindou, qui avait été préposé à la garde du colonel, ne pouvait rien leur apprendre. Or, de toutes les probabilités, il devait résulter ceci pour eux, c'est que par une circonstance fortuite, le feu avait été mis au canon avant l'heure fixée pour le supplice et que du prisonnier, il ne restait plus maintenant que d'informes débris. La fureur de Kalagani et des autres se manifesta par un concert de malédictions. Ni Nana Sahib ni aucun d'eux n'aurait donc cette joie d'assister au dernier moment du colonel Monroe. Mais le nabab n'était pas loin. Il avait dû entendre la détonation. Il allait revenir en toute hâte à la forteresse. Que lui répondrait-on lorsqu'il demanderait compte du prisonnier qu'il y avait laissé? De là, chez tous, une hésitation qui avait donné aux fugitifs le temps de prendre quelque avance avant d'avoir été aperçu. Aussi, Sir Edward Monroe et Gumi, pleins d'espoir après cette miraculeuse délivrance, descendaient-ils rapidement le sinueux sentier. Lady Monroe, bien qu'évanouie, ne pesait guère au bras vigoureux du colonel. Son serviteur était là, d'ailleurs, pour lui venir en aide. 5 minutes après avoir passé la poterne, tous deux étaient à moitié chemin du plateau et de la vallée. Mais le jour commençait à se faire, et les premières blancheurs de l'eau pénétraient déjà jusqu'au fond de l'étroite gorge. De violents cris éclatèrent alors au-dessus de leur tête. Penché au-dessus du parapet, Kalagani venait d'apercevoir vaguement la silhouette de deux hommes qui fuyaient. L'un de ces hommes ne pouvait être que le prisonnier de Nana Sahib. « Monroe, c'est Monroe !» cria Kalagani, ivre de fureur. Et franchissant la poterne, il se jeta à sa poursuite, suivi de toute sa bande. « Nous avons été aperçus !» dit le colonel, sans ralentir son pas. « J'arrêterai les premiers !» répondit Gumi. « Ils me tueront, mais cela vous donnera peut-être le temps de gagner la route. Ils nous tueront tous les deux, ou nous leur échapperons ensemble !» s'écria Monroe. Le colonel et Gumi avaient hâté leur marche. Arrivés sur la partie inférieure du sentier, déjà moins raide, ils pouvaient courir. Il ne s'en fallait plus que d'une quarantaine de pas qu'ils eussent atteint le chemin de Report qui aboutissait à la grande route et sur lequel la fuite leur deviendrait plus facile. Mais plus facile aussi serait la poursuite. Chercher un refuge, c'était inutile. Tous deux auraient été bientôt découverts. Donc, nécessité de distancer les hindous et en outre de sortir avant eux du dernier défilé des Vindhya. La résolution du colonel Monroe fut aussitôt prise. Il ne retomberait pas vivant aux mains de Nana Sahib. Celle qui venait de lui être rendue, il la frapperait du poignard de Gumi plutôt que de la livrer au nabab, et de ce poignard, il se frapperait ensuite. Tous deux avaient alors une avance de près de 5 minutes. Au moment où les premiers hindous franchissaient la poterne, le colonel Monroe et Gumi entrevoyaient déjà le chemin auquel se reliait le sentier, et la grande route n'était qu'à 1/4 mile. « Hardi maître !» disait Gumi. Préfère au colonel un rempart de son corps. Avant 5 minutes, nous sommes sur la route de Jubulpor. Dieu fasse que nous y trouvions du secours, murmura le colonel Monroe. Les clameurs des hindous devenaient de plus en plus distinctes. Au moment où les fugitifs débouchaient sur le chemin, deux hommes qui marchaient rapidement arrivaient au bas du sentier. Il faisait assez jour alors pour que l'on pût se reconnaître, et deux noms, comme deux cris de haine, se répondirent à la fois. « Monroe, Nana Sahib !» Le nabab, au bruit de la détonation, était accouru et remonté en toute hâte à la forteresse. Il ne pouvait comprendre pourquoi ses ordres avaient été exécutés avant l'heure. Un hindou l'accompagnait, mais avant que cet hindou n'eût pu faire ni un pas ni même un geste, il tombait aux pieds de Goumi, mortellement frappé de ce couteau qui avait coupé les liens du colonel. « À moi !» cria Nana Sahib, appelant toute la troupe qui descendait le sentier. « Oui, à toi !» répondit Goumi, et plus prompt que l'éclair, il se jeta sur le nabab. Son intention avait été, du moins s'il ne parvenait pas à le tuer du premier coup, de lutter du moins avec lui, de manière à donner au colonel Munro le temps de gagner la route. Mais la main de fer du nabab avait arrêté la sienne et son couteau venait de lui échapper. Furieux de se sentir désarmé, Goumi saisit alors son adversaire à la ceinture et le serrant sur sa poitrine, il l'emporta dans ses bras vigoureux, décidé à se précipiter avec lui dans le premier abîme qu'il rencontrerait. Cependant, Kalagani et ses compagnons, se rapprochant, allaient atteindre l'extrémité inférieure du sentier et alors plus d'espérance de pouvoir leur échapper. « Encore un effort !» répéta Goumi. « Je tiendrai bon pendant quelques minutes en faisant bouclier de leur nabab. Fuyez, maître, fuyez sans moi !» Mais 3 minutes à peine séparaient maintenant les fugitifs de ceux qui les poursuivaient, et le nabab appelait Kalagani d'une voix étouffée. Tout à coup, à 20 pas en avant, des cris retentirent. « Munro ! Munro !» Banks était là, sur le chemin de Report, avec le capitaine Hod, Montclair, le sergent McNeil, Fox, par hasard, et à 100 pas d'eux, sur la grande route, le géant d'acier, lançant des tourbillons de fumée, les attendait avec Store et Kalout. Après la destruction de la dernière maison de Steamhouse, l'ingénieur et ses compagnons n'avaient plus qu'un parti à prendre, utiliser comme véhicule l'éléphant que la bande des Dacoits n'avait pu détruire. Donc, juchés sur le géant d'acier, ils avaient aussitôt quitté le lac Puturia et remonté la route de Jubulport. Mais au moment où ils passaient devant le chemin qui menait à la forteresse, une formidable détonation avait retenti au-dessus de leur tête et ils s'étaient arrêtés. Un pressentiment, un instinct, si l'on veut, les avait poussés à se lancer sur ce chemin. Qu'espéraient-ils ? Ils n'auraient pu le dire. Toujours est-il que quelques minutes après, le colonel était devant eux qui leur criait « Sauvez Lady Munro ! Et tenez bon, Nana Sahib, le vrai !» s'écria Goumi. Il avait, dans un dernier effort de furie, jeté à terre le nabab, à demi suffoqué, dont se saisirent le capitaine Hod, McNeil et Fox. Puis, sans demander aucune explication, Banks et les siens rejoignirent le géant d'acier sur la route. Par ordre du colonel, qui voulait le livrer à la justice anglaise, Nana Sahib fut attachée sur le cou de l'éléphant. Quant à Lady Munro, on la déposa dans la tourelle, et son mari prit place à ses côtés. Tout à sa femme, qui commençait à reprendre ses sens, il épiait en elle quelques lueurs de raison. L'ingénieur et ses compagnons s'étaient hissés rapidement sur le dos du géant d'acier. « À toute vitesse !» cria Banks. Il faisait jour alors. Un premier groupe d'hindous apparaissait déjà à 100 pas en arrière. À tout prix, il fallait atteindre, avant eux, le poste avancé du cantonnement militaire de Jubulport, qui commande le dernier défilé des Vindhyas. Le géant d'acier avait abondamment eau, combustible, tout ce qui était nécessaire pour le maintenir en pression et lui donner son maximum de vitesse. Mais sur cette route au tournant brusque, il ne pouvait se lancer en aveugle. Les cris des hindous redoublaient alors et toute la troupe gagnait visiblement sur lui. « Il faudra se défendre, » dit le sergent McNeil. « Nous nous défendrons, » répondit le capitaine Hod. Il restait encore 12 de coups à tirer, donc nécessité de ne pas perdre une seule balle, car les hindous étaient armés et il importait de les tenir à distance. Le capitaine Hod et Fox, leur carabine à la main, se postèrent sur la croupe de l'éléphant, un peu en arrière de la tourelle. Goumi, en avant, le fusil à l'épaule, se tenait de manière à pouvoir tirer obliquement. McNeil, près de Nana Sahib, un revolver d'une main, un poignard de l'autre, était prêt à le frapper, si les hindous arrivaient jusqu'à lui. Kalout et par hasard, devant le foyer, le chargeaient de combustible. Banks et Store dirigeaient la marche du géant d'acier. La poursuite durait déjà depuis 10 minutes. 200 pas au plus séparaient les hindous, Banks et les siens. Si cela allait plus vite, l'éléphant artificiel pouvait aller plus longtemps qu'eux. Toute la tactique consistait donc à les empêcher de gagner de l'avant. En ce moment, 10 coups de feu éclatèrent. Les balles passèrent en sifflant au-dessus du géant d'acier, sauf une qui le frappa à l'extrémité de sa trompe. « Ne tirez pas ! Il ne faut tirer qu'à coup sûr !» cria le capitaine Hod. « Ménageons nos balles, ils sont encore trop loin !» Banks, voyant alors devant lui un mille de route qui se développait presque en ligne droite, ouvrit largement le régulateur et le géant d'acier, accroissant sa vitesse, laissa la bande de plusieurs centaines de pas en arrière. « Hurrah ! Hurrah pour notre géant !» s'écria le capitaine Hodd, qui ne pouvait se contenir. « Ah, les canailles, ils ne l'auront pas !» Mais, à l'extrémité de cette partie rectiligne de la route, une sorte de défilé montant et sinueux, dernier col du revers méridional des Vindhias, allait nécessairement retarder la marche de Banks et de ses compagnons. Calagani et les autres, le sachant bien, n'abandonnèrent pas leur poursuite. Le géant d'acier eut rapidement atteint cet étranglement du chemin qui se glissait entre deux hauts talus rocheux. Il fallut alors ralentir la vitesse et ne plus avancer qu'avec une extrême précaution. Par suite de ce retard, les Indous regagnèrent tout le terrain perdu. S'ils n'avaient plus l'espoir de sauver Nana Sahib, qui était à la merci d'un coup de poignard, du moins ils vengeraient sa mort. Bientôt, de nouvelles détonations éclatèrent, mais sans atteindre aucun de ceux qu'emportait le géant d'acier. « Cela va devenir sérieux !» dit le capitaine Hodd en épaulant sa carabine. « Attention !» Goumi et lui firent feu simultanément. Deux des Indous les plus rapprochés, frappés en pleine poitrine, tombèrent sur le sol. « Deux de moins !» dit Goumi en rechargeant son arme. « 2% !» s'écria le capitaine Hodd. « Ce n'est pas assez. Il faut leur prendre plus cher que cela !» Et les carabines du capitaine et de Goumi, auxquelles se joignit le fusil de Fox, atteignirent mortellement trois autres Indous. Mais, à s'avancer à travers ce sinueux défilé, on n'allait pas vite. En même temps qu'elle se rétrécissait, la route, on le sait, offrait une rampe très prononcée. Pourtant, encore un demi-mille, et la dernière rampe des Vindhias serait franchie, et le géant d'acier déboucherait à 100 pas d'un poste presque en vue de la station de Jubulpore. Les Indous n'étaient pas gens à reculer devant le feu du capitaine Hodd et de ses compagnons. Leur vie ne comptait plus quand il s'agissait de sauver ou de venger Nana Sahib. 10, 20 d'entre eux tomberaient sous les balles, mais 80 seraient encore là pour se jeter sur le géant d'acier et avoir raison de la petite troupe à laquelle ils servaient de citadelle roulante. Aussi redoublèrent-ils d'efforts afin de rejoindre ceux qu'ils poursuivaient. Calagani n'ignorait pas d'ailleurs que le capitaine Hodd et les siens devaient en être à leur dernière cartouche, et que bientôt, fusils et carbines ne seraient plus que des armes inutiles entre leurs mains. En effet, les fugitifs avaient épuisé la moitié des munitions qui leur restaient, et ils allaient être dans l'impossibilité de se défendre. Cependant, 4 coups de feu retentirent encore, et 4 Indous tombèrent. Il ne restait plus au capitaine Hodd et à Fox que 2 coups à tirer. À ce moment, Calagani, qui s'était ménagé jusque-là, se porta en avant plus que la prudence ne le voulait. « À toi, je te tiens !» s'écria le capitaine Hodd en le visant avec le plus grand calme. La balle ne quitta la carabine du capitaine que pour aller frapper le traître au milieu du front. Ses mains s'agitèrent un instant, il tourna sur lui-même et tomba. À cet instant, l'extrémité sud du défilé apparut. Le géant d'acier fit un suprême effort. Une dernière fois, la carabine de Fox se fit entendre. Un dernier Indou roula à terre. Mais les Indous s'aperçurent presque aussitôt que le feu avait cessé. Ils se lancèrent à l'assaut de l'éléphant dont ils n'étaient plus qu'à 50 pas. « À terre ! À terre !» cria Banks. « Oui, en l'état des choses, mieux valait abandonner le géant d'acier et courir vers le poste qui n'était plus éloigné. » Le colonel Munro, emportant sa femme dans ses bras, prit pied sur la route. Le capitaine Hodd, Beauclerc, le sergent et les autres avaient immédiatement sauté à terre. Seul Banks était resté dans la tourelle. « Et ce gueux ! » s'écria le capitaine Hodd en montrant Nana Sahib, attaché au cou de l'éléphant. « Laisse-moi faire, mon capitaine !» répondit Banks d'un ton singulier. Puis, donnant un dernier tour au régulateur, il descendit à son tour. Tous s'enfuirent alors, le poignard à la main, prêts à vendre chèrement leur vie. Cependant, sous la poussée de la vapeur, le géant d'acier, bien qu'abandonné à lui-même, continuait à remonter la rampe. Mais, n'étant plus dirigé, il vint buter contre le talus gauche du chemin comme un bélier qui veut faire tête et s'arrêtant brusquement, il barra presque entièrement la route. Banks et les siens en étaient déjà à 30 de pas lorsque les Indous se jetèrent en masse sur le géant d'acier afin de délivrer Nana Sahib. Soudain, un fracas épouvantable, égal au plus violent coup de tonnerre, secoua les couches d'air avec une indescriptible violence. Banks, avant de quitter la tourelle, avait lourdement chargé les soupapes de l'appareil. La vapeur atteignit donc une tension extrême, et lorsque le géant d'acier buta contre la paroi de roc, Cette vapeur, ne trouvant plus d'issue par les cylindres, fit éclater la chaudière dont les débris se dispersèrent en toutes directions. « Pauvre géant !» s'écria le capitaine Hod, « mort pour nous sauver !»